qui se soucie des Roms? Mais Roms, qui se soucie des Roms? Mais Roms, en ce lundi 23, l'évêque André, 23, sermonne l'esprit très étroit de Sarkozy au nom des trois principes de la Trinité, au nom aussi du lien étroit du chanoine à sa sainteté. Chanoine est un cheval de Troie. Qui se soucie des Roms? Mais Roms, qui se soucie des Roms? Mais Roms, le pape Benoît très étroit à son enfant de cœur octroie l'absolution ou l'indulgence. Sarko fait preuve de diligence en dépêchant qu'il sorte feu. Il faut dire qu'il y a le feu, car la question du sort des Roms est le souci pressant de Rome. Qui se soucie des Roms? Mais Roms.